Il s'agit sans doute de l'aspect le plus délicat en matière d'espionnage. Jusqu'où peut-on faire confiance à un transfuge ? Comment estimer sa sincérité ? Comment éviter de se faire intoxiquer ? Ces questions, les spécialistes du contre-espionnage de tous les services de renseignement se les ont posées en permanence et surtout, bien sûr, tout au long de la période de la guerre froide. Et comment réagir lorsque l'un de ces défecteurs vous annonce « La meilleure preuve de ma loyauté, c'est que mon ancien service va vous envoyer un faux transfuge à seule fin de mettre en doute ma crédibilité ». Et c'est effectivement ce qu'il s'est passé aux États-Unis dans les années 60. Anatoli Golitsyn, officier du KGB passé à l'Ouest et choyé par le patron du contre-espionnage de la CIA, James Angleton, prévient ainsi ses nouveaux employeurs. « Moscou ne manquera pas de vous mettre dans les pattes un autre transfuge qui aura pour mission de me discréditer ». Et c'est ce qui est arrivé en 1964, lorsque Youri Nosenko, autre officier du KGB et déjà en contact avec la CIA, a annoncé son intention de passer de l'autre côté du rideau de fer. Mais au lieu de choisir la liberté, comme on disait à l'époque, c'est un véritable cauchemar qui l'attendait. La suite avec M. X. Soslevic, enfin notre moment romantique. Soslevic, c'est le quart d'heure d'Union soviétique. Rendez-vous en gare de l'Est, un bison en guise de veste, cap sur l'hiver lointain. Cabine de première classe, caviar, vodka, glace, transsibérien. Sous tes bons baisers de Russie, le paysage défile, l'Asie se profile. L'hiver est sensuel, la lune étincelle, nous plongeons dans la nuit éternelle. Soslevic, Soslevic, enfin notre moment romantique. Soslevic, Soslevic, c'est le cœur d'or d'Union soviétique. Quand devant le feu qui crépite, on aperçoit par la fenêtre la toundra, et qu'on s'allonge sur une peau de bête, je te déclare mon amour à Saint-Pète. Un white Russian pour un French kiss, une roulette russe contre tes cuisses, un choc thermique. Je suis ton maître, ma marguerite écrit mérite châtiment. Nathalie resserre encore un shot, mais je t'en supplie, garde tes bottes. Soslevic, Soslevic, enfin notre moment romantique. Soslevic, Soslevic, c'est le quart d'heure d'Union soviétique. Soslevic, Soslevic, Soslevic, Soslevic, quart d'heure d'Union soviétique. Soslo, Slavic, Soslo, Slavic, Slo, Slavic, Soslo, Soslo, Slavic. France Inter. Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Pour ceux de vos auditeurs qui n'auraient pas écouté notre entretien de la semaine passée, un petit rappel. Le personnage principal de cette histoire s'appelle donc James Angleton. patron tout puissant du contre-espionnage de la CIA. Il a une fâcheuse tendance à voir des espions partout. Une vraie hantise, et qui a été sciemment exacerbée par le célèbre Kim Philby, un maître espion britannique qui a été son mentor et ami, mais et qui s'est révélé être une taupe soviétique. Oui, il en a résulté pour lui, pour Angleton, un traumatisme considérable. Oui, une véritable fêlure psychologique. Il était donc tout enclin à prêter l'oreille à Anatoly Golitsyn, transfuge du KGB, qui est arrivé aux États-Unis en affirmant que les Soviétiques étaient parvenus à infiltrer tous les services de renseignement occidentaux. Et en même temps, on est frappé par le fait qu'Angleton, ce personnage si méfiant, est accordé si facilement crédit aux déclarations de Golitsyn. Oui, d'autant, je vous l'ai dit, que certaines de ses révélations étaient douteuses. Il pouvait même laisser penser qu'il se livrait à un double jeu. Mais suprême habileté, Golitsyn annonce que le KGB va envoyer à l'Ouest un autre transfuge. Oui, mais un faux transfuge. Qui aurait pour objectif de le déstabiliser. Cet homme, ce nouveau défecteur, s'appelle donc Yuri Nosenko. Je vous rappelle que cet officier du KGB a pris contact dès 1962 à Genève avec des représentants de la CIA, des agents expérimentés qui l'ont jugé fiable. Et la suite semble leur avoir donné raison, puisque Nosenko, de retour à Moscou, a réussi à leur transmettre de précieuses informations. Mais, m'avez-vous dit, James Angleton, lui, n'était pas convaincu. Essentiellement parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ce Nosenko, fils d'un important apparatchik, particulièrement gâté par le système, ait pu choisir de trahir. Oui, et puis pour un motif assez dérisoire. Oui, c'est quelques centaines de dollars qui lui ont été volés par une prostituée genevoise à l'issue d'une nuit de débauche. Ah oui, mais c'était l'argent du KGB. Et paniqué, Nosenko s'est résolu à faire appel à un diplomate américain qui en a référé à la CIA. Ouais. Et de fil en aiguille, l'officier soviétique est devenu un agent de l'ennemi. Alors, c'est vrai qu'Angleton pouvait s'interroger. D'autant que c'était chez lui une pente naturelle. Alors, voyons la suite. Fin janvier 1964, Nosenko est de retour à Genève au sein de la délégation soviétique qui négocie avec les Américains un possible désarmement. Il en profite pour prendre contact avec ses officiers traitants de la CIA. Et il leur annonce qu'il souhaite immédiatement passer à l'Ouest. Et immédiatement. Il donne une raison ? La première qui vient à l'esprit, c'est qu'il ne pouvait plus supporter sa condition de taupe qui mettait ses nerfs à rude épreuve. Mais afin de persuader ses interlocuteurs de l'aider, Nosenko leur livre une information considérable. Au KGB, c'est lui qui a géré le dossier Oswald. Et Oswald, l'assassin présumé du président Kennedy. Kennedy qui a été tué 2 mois plus tôt à Dallas. Et aux États-Unis, la question brûlante est alors celle-ci. Oswald a-t-il agi seul ? Ou bien a-t-il été téléguidé ? Et on pense bien sûr à Fidel Castro et aux Soviétiques. Et alors, que dit Nosenko ? Il affirme que rien n'implique l'URSS dans l'assassinat du président Kennedy. Et dans la bouche d'un homme qui s'apprête à passer à l'Ouest, c'est une information qu'on ne peut pas négliger. Et d'autant qu'il révèle que si Oslav, lors de son séjour en URSS, a bien été en contact avec le KGB, il a été jugé beaucoup trop instable pour être recruté. Mais ce que ne peut savoir Nosenko, c'est que James Angleton, lui, est persuadé qu'Oswald a été le bras armé du KGB. Et pourquoi ? Parce que le transfuge Golitsyn le lui a assuré. Et pour lui, tout ce que dit Golitsyn est parole d'évangile. Ouais. Alors, conséquence pour Nosenko ? Pour Angleton, avant même de mettre le pied sur le sol des États-Unis, Nosenko est suspect. Mais est-ce que ça va lui interdire de venir en Amérique ? Non, parce que la CIA, ce n'est pas seulement Angleton. Et puis, les gens du FBI sont aussitôt désireux d'entendre la version Nosenko. À la même époque, je vous le rappelle, les autorités états-uniennes, pour y voir clair et évacuer toutes les théories fumeuses qui prolifèrent, ont mis en place la commission Warren, chargée d'enquêter sur l'assassinat de JFK. La demande d'asile politique de Nosenko est donc prise en compte. Dès son arrivée aux États-Unis, le soviétique est interrogé par le FBI. Et conclusion ? Les enquêteurs du FBI ne mettent pas en doute les déclarations de Nosenko. D'autant qu'elle coïncide avec celle d'une autre source de l'agence fédérale. Ça, c'est plutôt mauvais pour Angleton. Détrompez-vous. Le chef du contre-espionnage remue ciel et terre et finit par obtenir que le transfuge ne soit pas auditionné par les membres de la commission Warren. Et dès lors, on va assister à un véritable duel entre les transfuges Nosenko et Golitsyn. Et comme l'arbitre Angleton est loin d'être impartial, on sait déjà qui va gagner. Oui, mais quand même, quels sont les arguments de Nosenko ? Accusant Golitsyn d'être un faux transfuge, il affirme que ce dernier a été envoyé à l'Ouest pour paralyser les services de renseignement occidentaux en créant une véritable psychose. Ouais, la psychose du traître. Il faut observer que c'est réellement ce qui va arriver à la suite des multiples dénonciations de Golitsyn. Et donc Nosenko s'inscrit en faux contre les révélations faites par Golitsyn. Bah, il nie en particulier qu'une taupe soviétique soit infiltrée dans les cercles dirigeants de la CIA. Et pour Angleton, j'imagine ça, c'est inconcevable. Bien sûr, puisque ça fait des années qu'il ne travaille que dans ce but, découvrir qui est la taupe de la CIA. Pour lui, mais aussi pour Golitsyn, cette déclaration de Nosenko est donc ressentie comme une sorte de crime de lèse-majesté. Et Angleton en conclut aussitôt que Nosenko est un faux transfuge. Il a été envoyé par le KGB pour déconsidérer Golitsyn. N'importe comment, enfin, si j'ai bien compris, hein, il suffisait de contredire Golitsyn pour être considéré par Angleton comme un suppôt du KGB. Absolument, hein. C'était rédhibitoire. La qualité et la sincérité d'un transfuge se mesurent à l'aune de leurs révélations. Alors, dans le match là, entre Nosenko et Golitsyn, objectivement, qui aurait dû l'emporter ? Sans nul doute, Yuri Nosenko. Les preuves sont nombreuses et surtout précises. C'est par exemple lui qui révèle l'existence d'un espion au sein de l'amirauté britannique, un certain John Vassal, un homosexuel que le KGB faisait chanter après l'avoir photographié dans des situations scabreuses. Et la dénonciation de cette taupe éclaire bien la différence entre Nosenko et Golitsyn. Celui-ci avait en effet annoncé qu'une taupe sévissait au sein de l'amirauté. Mais il avait été incapable de donner son nom. Ah, tandis que Nosenko, lui, le désigne nommément. Et il en est de même avec l'identification d'un autre espion, Robert Lee Johnson, un sergent de l'armée américaine basé à Berlin-Ouest, qui de 1952 à 1963 a remis aux soviétiques quantité de documents, parmi lesquels des systèmes de code ou encore les lieux d'implantation des têtes nucléaires en Europe, et même les plans de défense de l'OTAN et de l'armée états-unienne. C'est Nosenko, et lui seul, qui a permis l'arrestation de Johnson en 1964. Mais ce n'est pas tout. Mais quoi encore ? Nosenko a donné de précieuses informations sur les activités du fameux journaliste espion Victor Louis, qui a longtemps intoxiqué la presse occidentale. Il a aussi fourni des renseignements importants sur la surveillance et la pénétration soviétique dans les ambassades étrangères de Moscou. C'est grâce à lui que la CIA a détecté la présence de 52 microphones dissimulés dans les murs, les cloisons ou les radiateurs de la nouvelle ambassade américaine de Moscou. La moisson d'informations de Nosenko était donc très riche. Oui, oui, selon une enquête menée beaucoup plus tard par un agent de la CIA, Richard Huer, Nosenko a dénoncé pas loin de 300 agents de renseignement et contacts soviétiques à l'étranger. Et il a fourni des pistes sur des dizaines d'Américains ciblés par le KGB dans le but d'en faire d'éventuels recrues. Il était donc difficile de prétendre qu'il était un faux transfuge. Ah ouais, mais c'était compté sans Angleton qui avait décidé une fois pour toutes que Nosenko n'avait qu'un objectif, nuire à son cher Golitsyn. Peut-être, mais Angleton n'était que le chef du contre-espionnage et donc un dirigeant de la CIA parmi d'autres. C'est exact. Mais il a fait en sorte de convaincre les autres, et d'abord le patron de la CIA, Richard Helms, et il a agi de façon habile en instillant la méfiance vis-à-vis de Nosenko. Avec quels arguments alors ? Il a mis en avant ses points faibles. Par exemple, quelques incohérences au sujet de son grade au KGB, ou ses performances peu convaincantes lorsqu'il a été soumis au détecteur de mensonges. Et puis surtout, il y avait la coïncidence de son passage à l'Ouest avec l'ouverture de l'enquête sur l'assassinat de Kennedy. James Angleton n'en démordait pas. Nosenko avait été envoyé à l'Ouest, non seulement pour décrédibiliser Golitsyn, mais essentiellement pour faire croire que Moscou n'avait aucune responsabilité dans la mort du président américain. Mais à partir de là, alors, que pouvait devenir Nosenko ? C'est le pire qui l'attendait. Thank you. Gérard Arbois a écrit une biographie de James Angleton. Je lui emprunte ces quelques lignes. Angleton entrait dans sa période noire où sa hantise de Philby brouillait sa capacité de raisonnement et sa rationalité habituelle. Philby ne lui avait-il pas dit que dans le contre-espionnage, tu commences à relier instinctivement les faits car ils sont si facilement manipulables. Cette confusion était le résultat d'un alcoolisme conjugué à une insomnie chronique, à un excès de stress et d'anxiété. Si l'on ajoutait à cela un certain degré d'isolement recherché dans ses bureaux chauds et sombres du deuxième étage du QG de la CIA et de désillusions professionnelles, le résultat fut une suspicion obsessionnelle. En avril 1964, avec l'approbation de l'attorney général Robert Kennedy, Nosenko est mis à l'isolement. On le conduit d'abord dans une planque secrète de la CIA, pas loin de Washington. Là, des agents de l'agence l'interrogent sans relâche. Mais que cherche-t-il à obtenir ? Une confession, c'est-à-dire l'aveu qu'il est un faux transfuge, un désinformateur téléguidé par le KGB. Oui, c'est-à-dire la thèse de James Angleton. Oui, manifestement, le chef du contre-espionnage a convaincu sa hiérarchie. On en a une démonstration éclatante lorsque le patron de la CIA, Richard Helms, comparaît à la fin de l'été 1964 devant la commission Warren. C'est la commission, hein, rappelons-le, chargée en principe de faire la lumière sur l'assassinat de Kennedy. Hein. Oui, et pour Helms, il n'y a aucun doute. L'assassinat de JFK a été commandité par les Soviétiques. La preuve, c'est que le KGB a envoyé aux États-Unis le faux transfuge Nosenko afin de tenter de se dédouaner. Et il faut noter qu'en faisant cette déclaration époustouflante, le numéro 1 de la CIA prend le contre-pied du FBI. Oui, on ne croit toujours pas à la responsabilité de Moscou. Et c'est aussi la conviction d'Earl Warren qui n'a guère apprécié la prestation de Richard Helms. D'ailleurs, dans le rapport final de la commission Warren, ne sera même pas fait mention de Nosenko. Mais justement alors, est-ce que le transfuge continue à être harcelé par les inquisiteurs de la CIA ? Oui. Mais en août 1965, il est déplacé au camp Perry, le site de formation et d'entraînement de la CIA, situé à côté de Williamsburg, en Virginie. Un endroit que les types de la CIA appellent familièrement la ferme. Là, Nosenko est soumis à un régime d'isolement total dans une minuscule cellule aménagée à son intention. Il s'agit d'une toute petite chambre mansardée dont les fenêtres sont condamnées et où l'on étouffe à la belle saison. La lumière y brille 24 heures sur 24 et une caméra le surveille en permanence. Ah, c'est pire que le goulag, hein ? Je ne sais pas si la comparaison s'impose, mais il est certain que le soviétique Nosenko a dû y penser. J'ajoute que le détenu, privé de journaux, de radio et de télévision, est nourri de maigres rations de gruau arrosées de thé léger. On cherche donc à le briser. Oh, bah, ça me semble évident. On espère qu'il finira par craquer et qu'il ne supportera plus cet isolement rigoureux. Songez que pour s'occuper l'esprit, Nosenko s'était fabriqué un échiquier avec des fibres de tissu. Eh bien, on le lui a confisqué. Ouais. Ben même les condamnés à mort ne sont pas traités ainsi aux États-Unis. Hein. C'est vrai. D'autre part, ses geôliers avaient interdiction de lui adresser la parole. Et il n'avait de contacts humains que lors des interrogatoires très musclés auxquels il était régulièrement soumis. Quoi, vous voulez parler de torture ? Plus tard, Nosenko s'est en effet plaint d'avoir été torturé. À noter que l'homme qui conduisait ces interrogatoires n'était autre que son ancien officier traitant, Tenet Buckley, un agent de la CIA, qui sera ensuite promu et même décoré par son patron, Richard Helms. Mais attendez, tout cela était illégal, non ? Bien entendu. Et d'abord parce que la CIA n'avait pas le droit de détenir un individu sur le sol des États-Unis. Cela relevait de l'autorité et de la compétence du seul FBI. Ben, ça explique pourquoi. Alors, après le 11 septembre 2001, la CIA utilisera des prisons secrètes à l'étranger pour interroger ses prisonniers. Hein. En effet, et en tout cas dans le cas de Nosenko, cette sévère détention se prolongera pendant plus de 1200 jours. Ouais. Et à l'intérieur de la CIA, là, cette détention illégale n'a pas soulevé de protestation ? Ben, on en connaît au moins une. En décembre 1965, Leonard McCoy, un analyste de la division soviétique de la CIA, a été le premier à dénoncer le traitement infligé à Nossenko, pour une simple et bonne raison. Il avait eu accès aux rapports établis tout de suite après l'arrivée du transfuge aux États-Unis. Et en prenant connaissance, il avait été impressionné par le nombre et la qualité des révélations de Nossenko. Il a donc rédigé un rapport dans lequel il détaillait ses informations capitales. Mais son supérieur a refusé d'en tenir compte, parce que ces informations étaient en totale contradiction avec les affirmations de Golitsyn. Toujours lui, hein. Et derrière lui, l'omniprésente d'Angleton, son protecteur. Toutefois, en avril 67, McCoy a décidé de passer au-dessus de sa hiérarchie en envoyant directement son rapport au directeur de la CIA, Richard Helms. Il y affirmait, preuve à l'appui, que Nossenko était un vrai transfuge. Mais est-ce que ça a eu un effet, ça ? Oui. En octobre 67, Nossenko a quitté sa cellule de Virginie et a été ramené là où il avait subi ses premiers interrogatoires. Et s'il a été traité de façon plus humaine, il a néanmoins été soumis à d'autres tests au détecteur de mensonges. Mmh. Alors finalement ? Les agents du bureau de sécurité ont conclu, après plus de 6 mois d'interrogatoire, que Nossenko ne mentait pas. Mais 4 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait fait défection. Mmh. Il a été libéré ? C'était obligé, et ses bourreaux ont tenté de réparer leur erreur. Nossenko a reçu 80 000 dollars, une nouvelle identité et une maison. Il a même été enregistré comme salarié de la CIA. Par la suite, il est revenu de temps en temps au siège de la CIA à l'anglais pour expliquer l'URSS aux nouvelles recrues de l'agence. Ouais, il n'était pas rancunier, hein. Mais on lui avait quand même rendu justice. En octobre 1968, un nouveau rapport officiel du bureau de sécurité de la CIA a d'ailleurs établi qu'il n'avait pas été envoyé par le KGB et que les incohérences rapportées lors de ces multiples interrogatoires étaient insignifiantes. Ouais, mais en même temps, c'était un cruel désaveu à la fois pour Angleton et Golitsyn. Théoriquement, oui, parce que si Nossenko dit vrai, ça fait automatiquement passer Golitsyn pour un menteur. Mais Angleton s'arc-boute. Son transfuge dit vrai, et il n'acceptera jamais la réhabilitation de Nossenko par la CIA. En janvier 69, il continuait à affirmer que Nossenko était un faux transfuge. Et si j'ai dit son transfuge à propos de Golitsyn, c'est à dessein, car il s'est noué une curieuse relation entre le soviétique et l'américain. Golitsyn est devenu beaucoup plus qu'un informateur pour Angleton. C'est maintenant un conseiller à qui on autorise la consultation des dossiers les plus secrets de la CIA. Ça me paraît insensé surtout. Si, comme vous le pensez, Golitsyn est un transfuge douteux. C'est pourtant la stricte vérité. Golitsyn fait désormais la pluie et le beau temps à la CIA. Et sûr de sa position, il multiplie les accusations. En épluchant les dossiers de l'agence, il désigne à l'attention de son ami Angleton des suspects toujours plus nombreux. Même sans preuve, les individus soupçonnés sont écartés, licenciés. Pendant des années, la CIA est paralysée par cette chasse aux taupes qui frappe les agents les plus performants. On assiste donc à une véritable mise en pièces de la division soviétique et à la paralysie des opérations russes de la CIA pour une décennie entière. Ah ben ça, c'est tout bénéfice pour Moscou. Ah ben naturellement. Au total, plusieurs dizaines d'officiers ont été remerciés ou déplacés. Même le directeur de la division soviétique, David Murphy, devient suspect. Et pourquoi, lui ? Parce qu'il a refusé de livrer à Golitsyn certains rapports opérationnels de l'agence. Ironie de l'histoire, ce Murphy, qui finira par être blanchi, avait été lui-même un partisan inconditionnel d'Angleton. Et comme lui, il croyait dur comme fer à l'infiltration de l'agence par les soviétiques. Ouais. Mais justement, à la CIA, là, personne n'essaie de s'opposer à cette invraisemblable chasse aux sorcières ? Certains essaient, ils expriment leurs doutes, car ils constatent que l'agence américaine est durement frappée par l'activité débordante de James Angleton. Mais c'est très dangereux. Mais pourquoi ? En vertu de ce redoutable système, si vous contestez le duo Angleton-Golitsyn, c'est que vous êtes vous-même une taupe soviétique. Logique imparable, n'est-ce pas ? Et cela en dépit du fait que la bonne foi de Nossenko a été reconnue. La machine est lancée, on ne peut plus l'arrêter. Songez qu'Henry Kissinger aussi sera soupçonné d'être un agent soviétique. Ça ressemble à un vrai travail de sape, hein ? Oui, et si Golitsyn avait été réellement missionné par le KGB, il n'aurait pas mieux fait. Mais ça signifie aussi qu'il existe alors à la CIA de sérieux dysfonctionnements, hein ? Oui, l'agence marche sur 3 pattes. et ça durera jusqu'à la chute d'Angleton en 1974. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Si la principale préoccupation de James Angleton est toujours la recherche obsédante de la grosse taupe, alias Sacha, la chasse aux sorcières, provoque de sérieux dégâts non seulement à l'intérieur de la CIA, mais dans les services alliés. Et ça a été particulièrement le cas en France. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Avant de voir quelles ont été les conséquences en France de la chasse orchestrée par Angleton et son ami Golitsyn, je vous propose cet extrait du livre de Genoveva Etienne et Claude Moniquet consacré à l'histoire de l'espionnage mondial. Ils évoquent un témoignage de William Colby, l'homme qui, nommé à la tête de la CIA dans les années 70, réussira à chasser Angleton. Au cours des très longs entretiens que j'eus avec lui, j'apportais toute ma bonne volonté à tenter de comprendre et d'accepter ces théories fumeuses sur la toute-puissance et l'ubiquité d'un KGB qui serait parvenu avec une habileté démoniaque à noyauter la quasi-totalité des services secrets de nos alliés et à placer partout ailleurs les faux transfuges et les agents provocateurs innombrables dont ils se servaient pour contrecarrer la politique américaine. J'avoue que je n'y parvins pas. Non seulement les explications de Angleton étaient impossibles à suivre, mais surtout il étayait ses conclusions de preuves radicalement insuffisantes. Ce qui me parut rédhibitoire, ce fut de découvrir que ces élucubrations nuisaient réellement à certains de nos bons agents clandestins. Alors en France, justement ? Ah ben j'y viens. Vous devez savoir qu'Angleton a aussi exporté sa chasse aux sorcières en Suède, en Grande-Bretagne et au Canada. Mais en France, ce n'est pas un hasard. Et pourquoi ? Parce que Washington se méfiait du général de Gaulle, dont on craignait en permanence qu'il prenne des positions hostiles aux États-Unis. Enfin, passons. Et voyons comment la France a été à son tour contaminée par cette espionnite aiguë. Au début de l'année 62, le président Kennedy envoie une lettre personnelle et très confidentielle au général de Gaulle. Il l'informe que nos services de renseignement, mais aussi le cabinet présidentiel, ont été infiltrés par des agents soviétiques. Et Kennedy, là, se fonde sur les révélations de Golitsyn. Oui. Ouais. Et comment réagit le général ? Il y croit ou il pense que c'est une manœuvre ? Les termes de la lettre de Kennedy, qui lui a été remise en main propre et par porteur spécial, sont très amicaux. Donc, de Gaulle, après un premier mouvement de mauvaise humeur, a certainement été ébranlé. Et il décide aussitôt d'envoyer aux États-Unis un homme de confiance, un général spécialiste du renseignement et membre de l'état-major de la Défense nationale. Et c'est donc qu'il ne prend pas cette affaire à la légère. Hein. À Washington, ce général est mis en contact avec Anatoly Golitsyn. Et malgré sa méfiance, il est convaincu. Convaincu de la véracité des allégations du transfuge ? Oui, et lorsqu'il revient à Paris, il dit au général de Gaulle que Golitsyn est un type sérieux. Oui, mais est-ce que Golitsyn lui a donné des informations précises ? Non. Alors, comment ce général a-t-il pu juger du sérieux de Golitsyn ? Le transfuge était très habile. Très convaincant. En tout cas, il était impossible d'en rester là. De Gaulle décide donc d'envoyer aux États-Unis une mission d'information composée de membres du SDEC et de la DST. Ils sont chargés de débriefer Golitsyn et d'évaluer l'authenticité de ses révélations. Mais ils n'arrivent pas les mains vides. Ah, c'est-à-dire ? Ils viennent avec des listes de personnages suspects. Des hommes qu'ils n'ont jamais pu coincer, mais qui pourraient correspondre au profil des taupes dont Golitsyn affirme qu'elles existent. Oui, mais sans donner leur nom. Et il se justifie très habilement en disant qu'au KGB, il était chargé du secteur anglo-américain. Donc, ça ne lui permettait pas de connaître précisément l'infiltration soviétique en France. Il sait seulement, c'est ce qu'il prétend, que cette infiltration était très importante. Il révèle en particulier qu'il existe tout près du général de Gaulle, une taupe soviétique. Oui, celui qui sera ultérieurement désigné sous le pseudonyme de Colombine. Exactement. Et on sera tenté de voir sous ce pseudonyme l'énigmatique Jacques Foccart. Et votre avis ? Moi, je n'y crois absolument pas. Plus préoccupant pour notre sécurité, Golitsyn affirme que le SDEC est complètement noyauté par le KGB. Un réseau, nom de code Saphir, aurait infiltré notre service d'espionnage. Et une taupe française se dissimulerait dans les services de l'OTAN. Oui, Georges Pak. Oui, Pak a certainement commis des imprudences, mais il n'était pas la taupe soviétique que Golitsyne accusait. En outre, Pak était entré dans les services atlantiques après la défection de Golitsyne. Donc, ce dernier ne pouvait pas détenir d'informations sur lui. En tout cas, si je me rappelle, ces dénonciations vont avoir des conséquences très graves. Hein. D'abord, il faut savoir que les conversations entre Golitsyne et les enquêteurs français se déroulaient en présence d'agents de la CIA. Et assez légitimement, les Américains, en voyant les Français énumérer des listes de suspects appartenant au gratin de l'administration et des services secrets, ont eu l'impression que la France était littéralement truffée d'agents soviétiques. Ah, ils ont pensé alors que l'État français était sous influence. Certainement. Et ça a contribué à dégrader leur rapport avec nous. Et lorsque le général de Gaulle a pris la décision de prendre ses distances avec l'OTAN, ils n'ont pas douté une seconde qu'il avait pris cette décision sous l'influence des taupes soviétiques. Ouais, ce qui était mal connaître le général. Oui, hein. À contrario, de Gaulle a assez vite pensé que ces révélations fortes, imprécises, du transfuge soviétique faisaient partie d'un plan américain pour déstabiliser son pouvoir. Ouais, il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Hein. Je le pense, même si ce n'était pas le premier objectif poursuivi par Angleton. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les taupes, uniquement les taupes. Alors voyons dans le détail quelles ont été les conséquences. Il faut d'abord préciser que dans toute cette affaire, la rivalité traditionnelle entre la DST et le SDEC a pleinement joué. Car il revenait à notre service de contre-espionnage de découvrir s'il y avait éventuellement des agents doubles au SDEC. Et ça ne déplaisait pas forcément aux gens de la DST d'embarrasser leurs collègues du service de renseignement. La première victime, c'est le colonel Uno. Qui était-ce là ? Ce polytechnicien était un vétéran du service, un ancien résistant, un type bien. Mais en étudiant de près son pédigré, on a découvert qu'il avait été en poste à Prague. Et là, il aurait eu une maîtresse. Une espionne des services tchèques. Enfin, il ne pouvait pas en être autrement, pour Angleton, mais aussi pour la DST. Uno était donc un candidat de choix pour être la taupe en chef du réseau Saphir. D'autant qu'il était alors l'adjoint du patron du SDEC. On lui a donc fait comprendre qu'il ferait mieux de donner sa démission. Ce qu'il a fait ? Oui, par lassitude et par dégoût. Car on n'a jamais rien trouvé sur lui et jusqu'à la fin de sa vie, Uno a proclamé son innocence. En tout cas, pour Angleton, c'était un incontestable succès. Il faisait la preuve que les informations données par Golitsyne étaient solides. Mais ça n'était pas fini. Mais quoi encore ? L'un des officiers du SDEC chargé de débriefer Golitsyne était le colonel de Lannurien, un type qui n'a pas du tout été impressionné par les révélations du transfuge. Il a eu le malheur de le dire tout haut. Selon le système Angleton, ça faisait aussitôt de lui un homme des soviétiques. D'autant que pendant la Seconde Guerre mondiale, cet officier de tradition avait combattu avec les maquisards tchèques. Ouais, il aurait pu y côtoyer des agents communistes. C'est ce que Angleton en a conclu. Et bien que plus tard, en 1950, en poste en Hongrie, Lannurien ait été expulsé par le régime communiste, on a considéré que c'était un coup monté, destiné à dissimuler son double jeu. La suspicion, c'est comme la calomnie, il en reste toujours quelque chose. Et Lannurien, lui aussi, a quitté le SDEC ? Il a fini par démissionner, à peu près en même temps que Uno. Ces deux départs ont profondément bouleversé la piscine, mais n'était-ce pas le but recherché par Golitsyne et ses maîtres ? Et ça s'est arrêté là ? Chez nous, oui. La DST aurait bien voulu continuer son enquête, en particulier dans l'entourage du général de Gaulle. Mais en haut lieu, on a estimé que les dégâts étaient suffisamment importants comme ça. Et on en est resté là. Alors, retournons aux États-Unis. Au mi-temps des années 70, je vous l'ai dit lors de notre précédent entretien, la CIA procède à un grand ménage. Oui, ce n'est pas étranger au scandale du Watergate, hein, où des membres de l'agence ont été compromis. Oui, on y révèle donc ce que l'on a appelé ironiquement les bijoux de famille. Ouais, c'est-à-dire tous les mauvais coups perpétrés par la CIA. Et on y trouve la détention illégale pendant 3 ans du défecteur Yuri Nosenko, le nouveau patron de l'agence. William Colby en profite pour se débarrasser de James Angleton à la fin 1974. Quelques mois plus tard, une enquête interne permettra de découvrir que le chef du contre-espionnage avait mis en place une véritable CIA parallèle. Quant à Nosenko, Il n'y avait plus aucun doute. C'était un vrai transfuge alors que les 173 dénonciations de son rival, Golitsyne, s'avéraient sans aucun fondement ou trop imprécises. Nosenko était donc là complètement réhabilité. Oui, et dans un mémorandum du directeur de l'agence rédigé en 1978, on lit même un vrai mea culpa à propos de l'affaire Nosenko. Le traitement particulièrement dur subi par M. Nosenko a dépassé les limites de la bienséance ou du bon jugement. Ouais, c'est bien dit. Et qu'est-il devenu ? Nosenko est mort en août 2008 à l'âge de 81 ans sous un nom d'emprunt. Un mois avant sa mort, le vieux transfuge a reçu la visite de responsables de la CIA venus présenter une lettre d'excuses pour les mauvais traitements subis dans les années 60, signée de Michael Hayden, le directeur de l'agence à cette période. Et en témoignage de reconnaissance pour les services rendus, on lui a remis un drapeau américain. Ouais. Et personnellement alors, quelle leçon tirez-vous de cette affaire ? J'ai lu, je ne sais plus où, une déclaration d'un ancien adjoint Ogleton. Il a résumé avec humour ce qu'avait été l'action de son ancien patron. En usant de la méthode d'Angleton jusqu'à son ultime conclusion, on était obligé d'en déduire que les actions du duo Angleton-Golitsyne avaient été montées par le KGB. Et si Angleton avait poussé la logique jusqu'au bout, il aurait dû lancer une enquête sur lui-même. Michel Biou et Stéphane Combe ont réalisé cette émission qui a été illustrée musicalement par Michel Joub et préparée par Rebecca Dedan, qui a quelques livres peut-être à nous conseiller. Oui Patrick, d'abord CIA-KGB, le dernier combat, paru chez Albin Michel en 2004. Un livre qui se lit comme un polar de la fin de la guerre froide, raconté par Milton Burden, ex-super-espion de la CIA, passé par Berlin, Moscou et Kaboul. Son témoignage a été recueilli par James Reason, journaliste au New York Times, dont on reparlera bientôt dans Rendez-vous avec X. J'aimerais aussi dire un mot de l'Atlas du renseignement géopolitique du pouvoir, qui vient de paraître aux presses de Sciences Po, de Sébastien Yves Laurent. Le chercheur aborde le sujet de façon inédite et très pédagogique en proposant une cartographie du renseignement mondial. Oui, pour ma part, moi j'ai lu un livre passionnant sur l'un des plus grands espions du XXe siècle, Kim Philby, l'espion qui trahissait ses amis, de Ben McIntyre. Le portrait inédit d'un gentleman qui a fini sa vie à Moscou. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous et tout de suite après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessou.